La délégation du Parti du Travail de Corée en visite au Vietnam sous la conduite de Chet Tae-bok, membre du bureau politique et vice-président du comité central du parti, a rencontré le 6 au siège du comité central du Parti communiste vietnamien, le secrétaire général de son comité central, Vinh Phu Trong. Y était présent l'ambassadeur coréen au Vietnam, l'assistant au secrétaire général du comité central du Parti vietnamien, membre du comité central du parti, le chef adjoint du département extérieur du comité central du Parti communiste vietnamien et autres officiels intéressés. Chet Tae-bok lui a respectueusement transmis les salutations de camaraderie cordiale et le message personnel oral du camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, adressé au secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien. Le camarade Vinh Phu Trong en a exprimé la vive reconnaissance et a prié son interlocuteur de lui transmettre ses sincères salutations de camaraderie. Il a félicité de nouveau Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti Travail de Corée et la réussite du 7e congrès du Parti Travail de Corée. En indiquant que les relations d'amitié bilatérale établies par le président Ho Chi Minh et le président Kim Il-sung se sont toujours développées aux grands intérêts des dirigeants des deux pays de diverses générations, il a affirmé que le développement continu des relations d'amitié et de coopération avec le parti, le gouvernement et le peuple coréen est l'attitude immuable du parti, du gouvernement et du peuple vietnamien.